Chapitre 20e. Une nuitée de jour après l'arrivée de l'avocat, Madame Sellers dit à Boyne « On ne voit plus les petits Water, qu'est-ce qu'ils deviennent ?» Boyne la rassura et mit leur discrétion sur le compte de la timidité. L'imposant M. Daubry, qui venait souvent au chalet, les effarouchait un peu. « Il y est souvent, remarqua-t-il, et c'est un personnage un peu trop imposant pour eux. » Elle crut sentir dans cette phrase une nuance d'ironie dont elle parut piquée. « Je ne sais ce que vous appelez imposant, » répliqua-t-elle sèchement et d'un ton piqué. « Je ne savais pas qu'un enfant de nos jours, produit de l'âge des hôtels, s'en laissait imposer par qui que ce soit au monde. Je vous assure que M. Daubry est plein de pitié pour ces gamins et qu'il serait très content de lier connaissance avec eux. Si nous les emmenions demain faire un pique-nique, je suis certaine que M. Daubry en serait très heureux. » Boyne estima le projet redoutable. Il observa que si Zini et les deux Italiens figuraient dans le programme, il faudrait emmener aussi l'institutrice. Autrement, Judith passerait son temps à faire la police. Rose acquiesça en soupirant qu'en effet, ses petits étaient affreusement gâtés. Boyne était bien de cet avis, mais instinctivement il se mit à dire le contraire. Il ne pouvait plus souffrir qu'elle critiquât ses petits amis. « Évidemment, ce ne sont pas des petits Lord Fauntleroy. Ils ne se sont pas trouvés dans les conditions pour cela, » dit-il non sans impatience. « Je ne leur en fais pas un reproche, » dit-elle. « Mais justement, M. Daubry les plaint d'avoir été élevé d'une façon déplorable. Vous comprenez, il s'est occupé du divorce Westway. » Boyle lui jeta un regard rapide et ulcéré. « Le diable m'emporte si je vois quel lien votre Daubry peut trouver entre le divorce Westway et les petits Water. » C'est bien simple. L'intimité de Judith avec cette misérable petite, pourrie de drogue, et le fait qu'elle connaît toute cette horrible histoire qui a fini par le suicide de cette malheureuse. Elles étaient ensemble à Deauville l'été qui a précédé le drame. Pendant ce temps-là, les deux mères se promenaient, Dieu sait où. Judith le dit, à qui veut l'entendre? Boyne ne regardait plus son amie, mais contemplait vaguement le profil de feu des montagnes derrière la rampe du balcon. Une phrase de Stevenson traînait dans sa mémoire. Ces lieux charmants et détestés. Il lui répugnait de penser que ce paysage fait pour les archanges s'associerait un jour avec le doux visage impénétrable de Madame Lelmer et avec cet avocat qui connaissait tous les dessous du divorce de cette dame. Il se retourna brusquement. « Est-ce que vous n'en avez pas assez de cet endroit ?» Il était presque en colère. Elle lui répondit avec une surprise non jouée. « Assez de quoi ? De Cortina ? Ah, de toute la boutique !» dit-il en embrassant d'un geste méprisant le vaste tableau des montagnes, des vallées et de la forêt. Le paysage perd sa vertu quand nos ennuis s'y mettent. C'est comme des mythes qui dévorent tout. Madame Sellers se tut, puis lui met la main sur la sienne. Je me doutais bien, mon pauvre ami, que cette responsabilité que vous avez prise finirait par vous excéder. Boyne s'écarta en sursaut. Quelle responsabilité! Du fond de la pièce, il revint et caressa gauchement les cheveux de son ami. « Votre monsieur Daubry me donne un peu sur les nerfs. Je ne vous cache pas que ce pays me plaisait beaucoup plus quand nous étions seuls avec les petits. » Il vit que les joues de Rose s'éclairaient. « C'est un accès d'égoïsme, que voulez-vous? Je n'ai pas à vous dire que tous les hommes sont de sales égoïstes, vous le savez bien. » Il rit, et le rire de Rose répondit doucement au sien. « Pauvre monsieur Daubry, il n'a plus longtemps à rester ici. »« Eh bien, » déclara Boyne, « puisqu'il n'y en a plus pour longtemps, » je prends sous mon bonnet d'accepter son pique-nique. Je descends le dire au petit. » Il se flattait que cette affectation de gaieté avait produit l'effet souhaité, et qu'il ne restait plus un nuage en quittant son ami. Mais il n'était pas à moitié chemin qu'il s'arrêta et s'écria tout haut. « Il part, bon débarras, et après ?» Le pique-nique fut un triomphe. Un de ces triomphes continus, tranquilles, bien huilés, où l'on a l'impression à chaque seconde qu'on pourrait lâcher prise et que tout finirait par une catastrophe. Pique-nique Janus, enfin. Mais, pour les principaux intéressés, ce Janus ne montra qu'un de ses visages, et ce fut l'idéal de la partie de plaisir pour enfants, faite de doigté et de force argent. M. Daubry était aussi de cet avis. Commandez les deux autos les plus vastes possibles, montez sur pneus ballons, remplissez des paniers de toutes les friandises que peut fournir la cuisine d'un palace, cherchez enfin à faire plaisir et infailliblement le bonheur doit s'en suivre. La petite bande parut charmée de cette politique. Terry, mieux portant, pouvait s'abandonner à son plaisir sans craindre l'institutrice et son redoutable thermomètre. Blanca se sentait éblouie par le menu opulent qui remplaçait le pain et la tablette de chocolat. Quant aux petits, ils étaient dans un état d'effervescence dû au plaisir d'une journée de congé et au fait de se sentir les héros de la journée. Et Judith. Le goûter fini, la petite classe était partie à la cueillette des fraises sous la houlette de l'institutrice. Les autres restaient à faire la sieste près d'une cascade. Boyne, sur le dos, fumait méditativement une pipe et observait ses voisins à travers les nuages de sa fumée. Un peu plus loin, Judith, étendue comme une chatte sur la mousse, reposait sa tête décoiffée sur son bras replié. Son profil clair et délicat se détachait sur les fougères. Un peu de rose animait ses joues, et ses cils faisaient, sous sa paupière, une ombre veloutée. Elle se livrait ainsi sans défense, dans l'abandon du sommeil. Mais on dirait une femme, et désirable. Comment est-ce arrivé? Et comme cela, tout à coup, songeait Boyne, soudain troublé. Il détourna les yeux et aperçut M. Daubry assis en face de lui avec la négligence affectée d'un qui n'a pas l'habitude des pique-niques. L'avocat avait tiré de sa garde-robe inépuisable le complet de sport à peine défraîchi et le feutre à peine porté qui convenait à la circonstance. Dans ses vêtements de campagne, M. Daubry ne cessait pas d'être un citadin et un homme du monde très pointilleux. Seulement, il se tenait un peu moins sur ses gardes. Ses yeux gris, d'ordinaire circonspects, dirigeaient ostensiblement leur regard vers la jeune fille endormie. Ses regards trahissaient les pensées de l'avocat, et Boyne devina qu'elle ressemblait étonnamment aux siennes. Cette découverte l'agita d'une manière incroyable. Mais dans le nivellement moderne, n'a-t-on pas aboli les différences d'âge? Se dit-il. Ce Daubry n'est pas tellement plus vieux que moi. Il est très vert et très musclé. Il a l'œil frais et vif, et sous quel prétexte lui défendre le spectacle de la jeune fille désarmée? M. Daubry paraissait en proie à une vive émotion. Son teint rose devenait rouge jusqu'aux tempes et aux paupières, et ses cheveux bien peignés firent tout à coup l'effet d'un nuage d'argent sur un ciel d'orage. Contre qui cette colère? Se dit Boyne. Mais contre lui, évidemment. Les yeux de M. Daubry ne quittaient pas la jeune fille, mais tout le reste de son visage paraissait faire un violent effort pour les en arracher. Il a peur de lui-même, se dit Boyne. Et il se rappela sans plaisir qu'il avait eu une fois ou deux le même sentiment, quand il avait regardé trop longtemps la jeune fille. « Est-ce que je faisais ces yeux-là » pensait-il. « Est-ce que j'avais la figure aussi congestionnée ?» Et il en voulait à l'avocat de lui servir de miroir. Soudain, celui-ci se mit debout et ne fit plus attention qu'à Mme Sellars. Boyne suivit cette conversion. Dans l'ombre de son grand chapeau, mince et enfoui dans l'herbe, Rose avait l'air presque aussi jeune, presque aussi nymphe que la jeune fille. Seulement, elle se fondait dans le paysage, tatouée d'ombre et de soleil, vaporisée dans des murmures et des chuchotements de feuilles. Elle s'adaptait si bien aux choses qu'elle finissait par s'y confondre. Elle leva la tête, et sous le bord du grand chapeau, Boyne aperçut une inquiétude dans son regard. L'avocat l'apostrophait gaiement. « Allons-nous permettre à ces jeunes sauvages d'accaparer les fraises ?» Si nous laissions M. Boyne en sentinelle auprès de la belle endormie et partions, nous aussi, pour la cueillette. Ce qui voulait dire « Emmenez-moi, il est grand temps. » « C'est dit, » répondit Mme Sellars. « Je vous montrerai un coin qu'ils ne découvriront jamais. » Et cela signifiait « Je sais, mais comptez sur moi pour empêcher un malheur. » Elle fut debout avant qu'il eût le temps de lui tendre la main. Elle semblait tout à coup bondissante et légère. « Par ici !» cria-t-elle en sautant devant lui sur les rochers. Boyne entendait leurs deux voix qui s'éloignaient le long du torrent, mêlées au bruit de l'eau, tantôt lointaines, tantôt toutes proches, comme les lueurs de sa robe aperçues à travers les hêtres. Il resta sans bouger et regarda la fumée de sa pipe dissoute par une bouffée d'air venue de la cascade. L'avocat, en partant, avait emporté les idées que faisait naître sa présence. Judith redevenait fillette. Si un reste d'inquiétude s'attardait à la surface de sa pensée, Boyne, intérieurement, goûtait une paix profonde. Chaque parcelle de son être recueillait le bonheur d'une minute exquise, mais il ne se la reprochait pas, ne redoutait point de la voir s'enfuir. comme sur un lac de paix, il se laissait flotter sur le sommeil de la jeune fille. Il la contemplait ainsi depuis assez longtemps, l'enveloppant dans une vigilance de grand frère, lorsqu'elle ouvrit les yeux et les tourna vers lui, encore mouillée de rêve. « Martin !» lui dit-elle tout engourdie. Puis, réveillée tout à coup, elle s'écria « Quand vous mariez-vous, mon ami ?» Ces questions le surprenaient toujours, mais jamais plus que cette fois, car ce qu'elle lui disait, c'était ce qu'il était en train de se dire au même moment. Comme c'était loin, cette idée de se fâcher contre Rose qui ne voulait pas fixer la date du mariage. Était-ce il y a 15 jours ou il y a 3 semaines qu'il lui envoyait une corbeille de gentiane cueillie sur une prairie de montagne, avec une citation du roman de la maîtresse Prude ? Impatience d'écolier. Rose lui avait fait voir qu'ils étaient très bien comme ils étaient, et s'il lui arrivait de penser maintenant à cette date, c'était pour se dire « Et une fois mariés, que deviendront les enfants ?» Il se sentit rougir, pourvu que ce ne fût pas comme M. Daubry. « Quand je me marie, alors les paris sont ouverts. Tout de même, il me semble que cela ne regarde personne. » La jeune fille ne prit pas garde au ton bourru de la réponse. « Mais si, cela me regarde, j'ai mes raisons. Vous, des raisons. Qu'est-ce qu'un bout de femme comme vous peut avoir à faire de raisons ? Vous ne me croyez pas raisonnable. Vous ne parlez pas sérieusement, » dit-elle, et une ombre passa sur son visage. « Non, je ne parlais pas sérieusement, ni vous non plus. Mais ne trouvez-vous pas que nous sommes très bien ainsi ?» Elle ouvrit de grands yeux et continua de le regarder d'un air à demi moqueur, tandis que sa bouche dessinait un sourire. « Mais voyons, Martin, c'est Madame Sellers, ce n'est pas vous qui devriez parler comme vous faites. » Boyne éclata de rire. « Ah, ces enfants !» Comment garder son sérieux avec eux 2 minutes? Et celle-là était bien la plus absurde, la plus enfant de tous les enfants. « Eh oui, mon cher, vous devriez être empressé, impatient, passionné. » Et elle l'adjurait comme si la vie de Boyne dépendait de ce conseil. Il s'appuya sur son coude et se mit à regarder curieusement la jeune fille. « Eh bien, en voilà un toupet. » Elle secoua la tête en souriant. « Mais non, Martine, je vous assure, je ne suis pas du tout effronté. » Mais il y a des moments où vous avez l'air, pardonnez-moi, où vous avez l'air un peu naïf. Grand merci. Ah, seulement pour ces choses-là. On dirait que vous tombez de la lune, comme si vous n'aviez jamais vécu dans le monde. Dans votre monde, oui, Dieu merci. Et Madame Sellers non plus, grâce au ciel, ajouta-t-il au bout d'une seconde avec sévérité. La jeune fille se leva et vint s'asseoir auprès de lui en mettant la main sur son bras. Allons, je vous ai fait de la peine. Je sais que je n'ai pas de tact. Dol Westway me l'a toujours dit. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi j'ai besoin de savoir quand vous allez vous marier. Eh bien, faites. J'attends, dit Boyne en se détournant pour allumer sa pipe. M'y voilà. Nous avons comploté, tous y compris les B et Scopy, de vous faire un cadeau, mais un cadeau à la hauteur. Nous avons trouvé, je crois, que vous serez content. Nous avons déterré l'objet l'autre jour à Toblar, chez un antiquaire. Et je voudrais savoir le bon moment pour vous le donner. Vous aimez les cadeaux, Martin ? Parbleu, si je les aime. Ma foi, presque autant que vous. Il s'aperçut qu'il rougissait, et se hâta de continuer pour effacer sa plaisanterie. Comme c'est gentil à vous tous. Cela me touche plus que je ne puis dire. Mais nous avons le temps, ma petite, rien ne presse. Que dites-vous, Martin ? Fit la jeune fille, et l'inquiétude et la tendresse se peignirent sur sa figure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Une anicroche ? Non, j'espère. On voyait qu'elle aurait été vraiment navrée s'il était survenu quelque accroc. Boyne prit la main de la jeune fille et y déposa un baiser, ce qu'elle avait appelé une fois un baiser de grande personne. « Mais non, mon enfant, il n'y a pas d'anicroche. Et vous savez que tout ce qui me viendra de vous me fera plaisir. Mais encore une fois, rien ne presse. » Elle ne répondit pas. Elle croisa les mains sous sa tête et s'étendit, laissant ses yeux errer dans le ciel à travers le frisson des feuilles. Juste dans la ligne du regard de Boyne, apparaissaient les 2 petits pieds de la jeune fille, chaussés de sandales et croisés sur un lit de fougère. Durant un long moment, Boyne sentit qu'il ne pouvait détacher ses yeux, ses pensées, son imagination de ses 2 petits pieds.